Christine, la rubrique Le Temps tant attendu. Vous n'avez pas le temps, hein? Non, trop pressé. Ah. Bonjour, moi je m'appelle Christine, et vous, comment vous appelez-vous? Patrick. Bonjour Patrick. Alors, est-ce que parfois vous avez l'impression de perdre votre temps? Oui, mais le fait d'être sans emploi actuellement, quoi. Comment vous appelez, monsieur? Anthony. Alors, quand est-ce que vous trouvez le temps trop long? À midi. Dans l'après-midi. À midi, quoi, ouais, quand il n'y a rien à faire, quoi, tout simplement. Disons que la matinée, on prend ça pour faire des recherches d'emploi, tout ça, je vais dire... pour rechercher de l'emploi, tout simplement. Mais bon, l'après-midi, vu que voilà, la matinée, on l'a passé à chercher de l'emploi et que l'après-midi, il n'y a plus rien à faire, ben voilà, on se fait un peu... On s'ennuie un peu, voilà. C'est ça que je vais dire. Vous trouvez le temps long à ce moment-là. Voilà, ouais, exactement. Tout à fait. Ouais. Exactement. Si vous aviez envie de faire une petite folie, parce que vous avez plein de temps devant vous, quelle folie feriez-vous? J'en ai plein. Racontez-moi. Ah, j'aurais de l'argent. J'aurais de l'argent. Voyager. Pour moi, ce serait voyager. Quoi. Ouais. Peut-être en vacances, ouais. Peut-être en vacances, voir un peu d'autres paysages, voir d'autres personnes. Essayer de, voilà, quoi, de s'instruire d'autres pays, quoi, tout simplement, ouais. Voilà. Rechercher la recherche intelligente, mais ailleurs, quoi. Tu vois. Et pensez-vous que dans un autre pays, par exemple, un climat chaud, les gens vivent autrement la notion de temps? Je pense. Bah, plus heureux, quoi. Ça, c'est clair, net, précis, c'est plus heureux, quoi. Disons qu'ici, quand il y a de la grisaille et tout, personne n'a envie de sortir, quoi. Il n'y a personne qui est dehors. Tandis que quand il y a du soleil comme aujourd'hui, bah, voyez, par vous-même, tout le monde est dehors, quoi. Voilà, même peut-être, il y a peut-être un peu de vent, un peu froid. Mais bon, voilà, il y a du soleil, donc tout le monde sort et tout le monde est chouette, quoi. Je m'appelle Philippe et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà volé? Oui, bonjour Philippe. Ben voilà, lui peut-être pas, moi oui, parce que par nécessité. Disons qu'à un certain moment, je n'avais plus rien du tout. Donc j'étais à la rue et tout, voilà, tout simplement. Donc oui, par obligation, pour moi, me nourrir et manger, oui, j'ai volé, oui. Oui, j'ai volé, oui. Tout est dans l'air. Tout est dans l'air, donc, oui. Donc, ma question, c'était aussi... la question de voler, c'était... Vas-y. Est-ce que tu as déjà volé en avion? Voler en avion, oui, j'ai déjà volé en avion, bien sûr, oui. Donc, tu as... Oui, j'ai déjà fait même un saut en parachute. Wow. Tu vois? Mais bon, voilà quoi, une fois dans ta vie ça arrive, ça, tu vois. Et quelle était la sensation quand tu as sauté? La sensation c'est terrible, la sensation, bah oui c'est terrible, c'est encore mieux qu'un saut à l'élastique quoi. C'est encore mieux, c'est... vous faites un saut à l'élastique, vous amplifiez x10 quoi, et ça vous fait un saut parachute quoi. J'ai fait du saut à l'élastique, voilà. Et t'as envie de voler? Voler peut-être pas, mais planer, ouais, ça sûrement, ouais. Quand je saute en parachute, ben voilà, je suis bien, ouais. Et là, j'aimerais bien en refaire un, parce que voilà, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait, là. Je me suis offert ça, voilà, tu vois, j'ai déjà pas beaucoup de thunes, mais je me le suis offert, parce que c'est qu'une fois dans ta vie, et puis voilà, tu vois. Mais maintenant, quand je saute en parachute, ouais, je ressens plus rien, je suis bien, quoi. Tu vois, tout simplement, je suis bien, et puis voilà, je pense à ouvrir mon parachute à la fin, et puis point barre, quoi, tu vois.